plus 10% de royalties permettrait à l'équipe de travailler dans de bonnes conditions. Et pour citer des chiffres vérifiés par le passé, sachez que Dominique Sablon touche 9% des royalties sur Tennis Cup, soit un peu plus de 9 francs par soft vendu. Un peu plus loin, on nous dit en ce qui concerne Infogrames, Dominique Giroud, graphiste depuis 5 ans dans cette maison, gagne actuellement un salaire brut de 9500 francs par mois. Deuxième exemple, le cas d'Océan France. Tous les graphistes de la maison touchent, quel que soit leur niveau d'ancienneté, 7500 francs par mois, brut, plus 360 francs de tickets repas, donc les tickets resto, hein. Un système de primes, récompense en plus de cela, le graphiste, s'il respecte les dates de sortie du produit qu'il met en place. Donc là, c'est ce qu'on appelle maintenant les deadlines. Cette prime atteint 2000 francs quand tout se passe au mieux. Les programmeurs sont mieux payés, environ 9000 francs bruts, et une prime maximale de 15 000 francs en fin de projet. Pourquoi cette différence? Alors la raison, disent les interlocuteurs de Tilt à l'époque, c'est très simple, il y a beaucoup plus de graphistes qui cherchent du travail qu'il n'y a de programmeurs. Alors le dossier est très très long, bien évidemment, s'ensuit toute une série de portraits. Alors Philippe Dessoli, Eric Chailly, l'équipe interne de Loriciel, Stéphane Pollard dont on a parlé, Dominique Giroud, Olivier Cordoleani, Dominique Sablon, des pointures de chez Pointure. Ce que je vais vous proposer, chers tipeurs, c'est que ce dossier est littéralement passionnant et je trouve est un pan d'histoire de la création jeux vidéo française. Si je continue, ça va durer vraiment trop longtemps. Déjà là, je ne sais même pas comment je vais faire tenir ça dans un délai raisonnable pour le montage. J'aimerais faire une partie 2. Voilà. Vous allez me dire sur le Tipeee, sur le Discord, sur Twitter, si vous voulez que la semaine prochaine, samedi prochain, je fasse une partie 2 de ce dossier, qui est vraiment une photographie, vraiment, voilà, de l'industrie du jeu vidéo français de l'époque. Tout ça est très intéressant, donc vous me direz si vous voulez une deuxième partie ou si on part sur un tout autre sujet la semaine prochaine. Donc j'attends votre opinion.